On the rocks, même à l'envers. On the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you know me. Wow! On the rocks. Wow! Il y a des traditions comme ça, il y a des traditions qui ne s'effacent jamais, il y a les marrons glacés, les guirlandes de Noël et le best-of de l'année dans The Rocks. Nous sommes à la dernière émission de 2025, il y aura une pause pendant les vacances, je vous retrouverai début janvier, mais évidemment, qui dit dernière émission de 2025 dit best-of de l'année. On peut pas faire plus subjectif comme émission, mais en même temps, toutes les autres émissions dans The Rock sont aussi subjectives. Donc voilà, ça correspond un petit peu à la ligne électorale. C'est ce que j'aime et ce que je vous propose tous les lundis soirs de 19h à 20h30. Et on va commencer avec une petite nouveauté qui sera un album qui sera décortiqué dans la prochaine session de Quij. C'est un album d'un jeune homme qui arrive, qui s'appelle Dove Ellis. Et cet album m'a tapé dans l'oreille, pas dans l'œil, dans l'oreille. Et sur cet album, il y a un morceau. Un morceau qui, lui aussi, répond à une tradition, celle des chansons un peu tristes de Noël. Dans l'indie rock, un peu, il y a comme ça des chansons un petit peu tristes. C'est Noël, mais c'est un peu triste. On est un peu tout seul. La bûche, elle est pas bonne. Bon, donc, voici ce morceau qui s'appelle It's a Blizzard. C'est tiré d'un album qui s'appelle Blizzard. Et si vous aimez Rufus Wainwright, si vous aimez, enfin, ce genre de choses, eh bien, vous allez sûrement aimer cet album de Dove Ellis que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment charmant, mais on en reparlera dans Quij. It is a blizzard, c'est le nom du morceau qui ouvre l'émission ce soir et ça parle un peu de Noël. I heard a crow sing sharply through spring until this wreath on our door. I told you before, but nobody heard. The streets were dressed up, your father bought cups initialed FMNS. Well, gamblers will guess, but nobody Christmas. chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa Claus is on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. C'était Ben Folds, tiré de son album de l'année dernière, où il créait des chansons de Noël et il en reprenait aussi comme ce Christmas Song. Voilà, c'est vraiment une belle version et un petit peu de piano à la fin, mais c'est plutôt de la guitare acoustique et normalement Ben Folds c'est plutôt du piano. Et puis Dove Ellis avec It Is a Blizzard pour ouvrir l'émission. C'est une nouveauté et on en reparlera en janvier. On sera en 2026. Mais ce soir, pas beaucoup de nouveautés puisque on regarde dans le rétroviseur et je vous propose mon petit best-of de l'année qui vient de s'écouler. Et je ne vais pas beaucoup parler parce que j'ai plein de choses à vous faire écouter. Ça a été une belle année. On va commencer tranquillou. On était déjà tranquillou. On va continuer tranquillou avec peut-être, pour moi, ce qui est un des plus beaux albums de l'année. C'est l'album When the World Was Sung, qui est l'album qui voit réuni pour une première fois sur album, il y a eu des EP, mais pas sur album. Pierce Faccini et Balaké Sissoko, ces deux-là sont des virtuoses dans tout ce qu'ils font et leur alliance, ça pourrait être la carpe et le lapin. Eh ben, pas du tout. Et ça se marie parfaitement. Et peut-être que Pierce Faccini n'a jamais aussi bien chanté que sur cet album. Et Balaké Sissoko, toujours merveilleux, peut-être le meilleur joueur de kora que l'on connaisse. Eh bien, voici un extrait de cet album qui, pour moi, figure dans le panthéon de l'année 2025. Le morceau, c'est If Nothing Is Real et c'est une pure merveille. He called me whispering to myself, finding somewhere that I can be. Something that I see in you, someone that you would see in me. Nothing is real. castles we build made of sand. With the rain, how they washed away. Qui m'a pris un peu par surprise et un bien bel album, c'est celui de Fox Warren, deuxième album de Fox Warren qui s'appelle Two. Et Fox Warren, c'est le projet parallèle d'Andy Schauf. Et vraiment, il y a une grâce, je trouve, il y a une sorte d'évidence dans leurs morceaux, et en particulier dans ce Yvonne qu'on vient de se passer. Vraiment très très beau moment de l'année 2025 pour moi. Et juste avant, c'était Pierce Faccini et Balaké Sissoko, If Nothing Is Real, qui seront en concert à Orléans, tous les deux sur la scène du Théâtre d'Orléans, le 5 mai prochain. J'y serai, j'essaie de décrocher une interview, mais c'est pas encore tout à fait fait. Vous allez me dire, c'était un petit peu mou du genou, ton année 2025. Non, il y a eu quand même des trucs un peu plus rock, je vous rassure. En particulier, un monsieur qui a fait très fort, puisqu'il figure deux fois dans mon best-of de 2025. D'abord avec un album pas sous son nom, un duo. L'album s'appelle Freckle et le nom du duo s'appelle Freckle. Et c'est Ty Segall qui a fait ce petit album vraiment, vraiment très, très, très sympathique. On va se passer le morceau I Don't Know When I Need que j'ai écouté en boucle cette année. Et puis, juste derrière, encore un extrait de Ty Segall, mais cette fois tiré de son album à lui, sous son nom, Ty Segall. L'album s'appelle Possessions et tout est bon dans cet album. Il n'y a rien acheté, vraiment. Skirts of Heaven, c'est le nom du morceau. Donc voici Ty Segall deux fois dans mon best-of de 2025. I Don't Know What I Need et juste après Skirts of Heaven. Dudu, je te conseille le dernier album studio de Ty Segall, franchement. Skirts of heaven. Ce soir, dernière émission de l'année 2025 dans The Rock, c'est le best-of, c'est le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Ty Segall a remporté le cocotier puisque deux fois présent avec Freckle, I Don't Know What I Need, et à l'instant avec Skirts of Heaven, tiré de son album à lui, sous son nom. Voilà encore un morceau et quelqu'un que j'ai pas vu venir du tout et qui pourtant, pour moi, a délivré un des meilleurs morceaux de l'année et peut-être un des meilleurs morceaux de power pop depuis très très longtemps. Vous le connaissez, il s'appelle Finn Wolfhard, c'est celui qui joue le rôle principal dans la série Stranger Things dont tout le monde parle, mais j'ai pas Netflix, je l'ai pas vu. Et enfin j'ai vu le début mais pas la fin. Et donc Finn Wolfhard est arrivé avec un album, je me suis dit oulala, une vedette comme ça très très jeune de la télé, il va sûrement faire un album un peu tout pourri. Alors l'album est pas extraordinaire dans son intégralité, mais par contre lui compose, écrit, chante de la musique qui est quand même assez peu commune aux gens de sa génération et ça fait plaisir. Le morceau s'appelle Choose the Later. Et vraiment, pour moi, c'est un des tout meilleurs morceaux de l'année 2025. C'est un morceau parfait pour moi. Donc voici Stranger Things, et Netflix peut apporter ce genre de choses aussi. Choose the Later, donc Finn Wolfhard, et c'est pour moi un des tout meilleurs morceaux de l'année 2025. There was a choice. Leur album s'appelle Chaos Era et c'est leur premier album qui est sorti en 2025. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est Midnight Rodeo avec le morceau Daisy qui est peut-être le plus gros tube de cet album. Mais tout est bien et tout est comme ça. Je vous conseille vraiment cet album. On se l'était décortiqué dans une session de Quij. Et puis juste avant, c'était Finn Wolfhard avec Choose the Later. Il y a un album qui est sorti cette année et qui m'a, moi, scotché. J'ai d'ailleurs eu l'honneur et le plaisir de le chroniquer dans Benzine Magazine. Vous pouvez aller voir ma petite chronique sur Benzine Magazine. C'est celui d'Elie Zoé. Alors Elie Zoé, on l'avait déjà beaucoup diffusé dans The Rocks à l'époque où elle s'appelait Emily Zoé. Donc depuis, elle a changé de genre. C'est un garçon et la voix s'en ressent. La voix est devenue vraiment très différente. Donc c'est assez troublant quand on était habitué et qu'on aimait vraiment beaucoup la voix d'Emily Zoé. Et en même temps, cet album qui vient de sortir d'Emily Zoé, son album, est vraiment extrêmement bouleversant parce que on retrouve sa sensibilité. Il chante toujours avec ses tripes. Il compose tout. Il y a des morceaux apaisés, il y a des morceaux un peu plus rentre-dedans. Et puis, il y a ce morceau qui n'est pas anodin, qui s'appelle Change My Name, que j'ai failli diffuser la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je me le réserve pour aujourd'hui. Et là, il va pouvoir s'étendre sur sa longueur. L'album s'appelle Shifting Forms. Il sera en concert le 26 mars prochain à l'Astrolabe. J'y serai. Il y aura une interview, normalement, d'Elie Zoé. Et peut-être qu'il nous fera un petit morceau acoustique, comme il nous l'avait fait lors de sa précédent passage à Hop Hop Hop. Eh bien, ce morceau Change My Name, voilà, c'est pas juste un morceau. Effectivement, il a changé son nom, il a changé son sexe, il a changé tout ce qu'il donne à nous voir maintenant, alors qu'il était au plus profond de lui déjà un garçon. Et enfin, j'imagine, je parle pas à sa place, mais Change My Name est un morceau vraiment bouleversant. Ça a l'air d'être un morceau assez tellurique et assez impressionnant sur scène. Il sera en duo, comme il était à Hop Hop Hop. Ça sera dans le club de l'Astrolabe. Et ce morceau-là promet d'être vraiment, vraiment renversant. Moi, c'est un album qui, quand je l'écoute vraiment fort en voiture, par exemple, me bouleverse totalement quand je sais ce qu'il y a derrière et quand je vois l'intensité de ce morceau. C'est peut-être le morceau, pour moi, le plus remuant et le plus bouleversant de l'année 2025. Change my name, make some holes in my brain. Stabilize, take a look through my things and figure me out. But I'm as afraid as you, just wanna walk away. Change my face. The disorder created calls me now. Emphasize all the features in me that figure me out. Show me the shame we're due. ça te va? Oui. Alors, j'ai compris. Comment ça va? Je sais pas. Je suis en train de me faire un peu plus de temps. Voilà un album qui est sorti en 2025, puisque ce soir dans The Rock, c'est le best-of, avec une ampleur assez admirable. C'est celui des Other Lives, avec le morceau Mystique qui ouvre cet album. L'album s'appelle Five, et vraiment, vraiment, c'est un de mes albums préférés de l'année. Il y a de tout dans cet album. Il y a de l'ampleur, mais pas de l'emphase. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis, quand ça commence à ronronner un petit peu, hop, ils sortent un petit morceau un petit peu plus percutant à la Radiohead. Là, autant tout à l'heure, Finn Wolfhard, c'était vraiment le morceau qui était fantastique et l'album un peu en demi-teinte. Là, tout l'album est vraiment très bien. Il s'appelle Other Lives, ce groupe. Et si vous aimez justement les moments d'émotion dans cette année 2025, ben, il y en a eu un très beau avec quelqu'un qui est revenu et qui s'était éclipsé un petit moment. C'est la Libanaise dont on a décortiqué également l'album dans une édition de Quij, et tout le monde est à peu près d'accord. Elle s'appelle Yasmine Hamdam. Vous l'avez peut-être vu dans le film Only Lovers Left Alive. Voilà, c'est une voix magnifique. Le morceau s'appelle On, c'est celui qui ouvre l'album, c'est peut-être le plus beau de l'album. Et elle charrie dans cette interprétation et dans ce morceau tout ce qu'a traversé le Liban ces dernières années comme épreuve et comme horreur. Donc elle le transcende avec sa voix magnifique. Là, c'est plus très rock'n'roll, mais ça va revenir un petit peu plus loin. Pour l'instant, c'est plutôt la séquence émotion de 2025. Voici Yasmine Hamdam, très haut dans ma liste de 2025. Le morceau, c'est On. هون شو صاير هون انهي غيوكم حب يوم يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروبت قتلهم مش قادرة أفصل خلاص خلص الحكي هون أرض صغيرة جرح كبير ناس تضل ناس تضل وناس تغير غيب وسط الصالون غيمة حزن معي هون هزت بدن والتلفزيون خلص خلص الحكي هون No. 25 place aux jeunes. Pas forcément, à l'instant, c'était Robert Plant, le légendaire chanteur des Led Zeppelin, qui a sorti un magnifique album country, un peu americana, un peu oriental aussi, avec ce qu'on a pu entendre à l'instant. L'album s'appelle Saving Grace et il est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux albums de l'année 2025. Et le morceau, c'était As I Roved Out. Et de se réinventer comme ça quand on n'a plus rien à prouver comme Robert Plant, c'est vraiment admirable. Et puis juste avant, c'était Yasmine Hamdam avec On. Voici deux demoiselles qui sont déjà passées dans The Rocks en interview et c'était un bon souvenir. Et bien, elles sortent leur troisième album en 2025 et la recette marche toujours autant. Alors, il y a des choses un peu plus discutables sur cet album. Peut-être qu'il, moi, voilà, le Bobby Lapointe me le fait un petit peu moins. Mais en tout cas, il y a des très très belles reprises. Évidemment, je parle de Birds on the Wire et cette reprise de The Love Cats, comme la reprise de Small Town Boy d'ailleurs, de Bronski Beat sur cet album, sont absolument réjouissantes. Donc voici Birds on the Wire et The Love Cats est une des belles surprises et d'un beau moment de cette année 2025. We moved like cagey tigers, so we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk, the way we kiss. We slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea, you and me, all these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cat. Should have each other with cream and curl up in a fire and sleep for a while. It's the curviest thing, it's the perfect dream. Into the sea, you and me, all the years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you, here's the love cats. Missed you, here's the love cats. We missed you, here's the have each other with cream. Curl up in a fire, get up for a while. It's the grooviest thing, it's the perfect dream. Hand in hand is the only way to land and always the right way round. Look broken in peace like Hazel Little Me says, how could we miss someone as dumb as this? C'est dans une petite maison perchée sur les hauteurs, au milieu d'une nature luxuriante. Un ordinateur posé sur une table, une guitare dans un coin, et puis Natalia M. King, la chanteuse que vous venez d'entendre, qui nous met le casque sur nos oreilles, à moi et à ma douce et tendre, pour nous faire découvrir en exclusivité ce morceau qui a été le premier morceau qu'elle a enregistré pour son album qui est sorti cette année, Afro Blues, avec sa guitare, avec ses racines africaines qu'elle découvre lors de ce voyage initiatique au Botswana et en Afrique du Sud, et puis la voix de Nelson Mandela qui s'invite au milieu du morceau. Voilà, j'ai eu la primeur d'écouter chez elle, chez Natalia, ce morceau, et vraiment, ça a été un moment assez délicieux. Le morceau s'appelle Afro Blues, vous pouvez lire ma critique sur Benzine également, et puis voilà, Natalia qui se réinvente à chaque fois, Natalia M. King, un des grands moments de 2025, et juste avant c'était Burns on the Wire, et oui, du Shuzzle of Cats, c'était quand même très très beau. Voilà un groupe qui sort un album par an, et il est à chaque fois très bon. C'est mes petits chouchous depuis 2 ans, il s'appelle Skex. Leur précédent album s'appelait Pacific Highway, et celui-là s'appelle Pacific Highway Music, donc voilà, c'est pas exactement la même chose, et ils ont sorti un EP en avant-coureur de cet album qui est sorti il y a quelques semaines, avec ce morceau State of Hawaii, où ils prenaient encore tout le monde à contre-pied, loin de leur rock assez nerveux, avec cette voix un peu qui peut faire penser parfois à la voix de Kurt Cobain. Ça ressemble pas du tout musicalement à Kurt Cobain, c'est plus enjoué, plus sec dans la production. Voici State of Hawaii, où là ils prenaient leur temps et ils buvaient sûrement des petits coups, les doigts de pied en éventail sur une plage, mais ce morceau, vous l'écoutez 2 fois et vous l'avez dans la tête pour tout le temps. Ça peut être pour moi le tube de votre hiver, allez, et de votre été prochain, pourquoi pas. Gonna be somewhere in the state of Hawaii. Uh-oh, that's where I'm bound to be. Don't care if I got your company. Gonna be somewhere in the state of Hawaii. My town, my ties on the beach. I don't care if you don't come with me. I thought you had it enough of me whining. Got there late, but I still made it. Nothing's changed, so I still hate it. I get straight, but not get faded. changed as I stayed in. Voilà un groupe qui gagne vraiment à être connu et qui a sorti un très très bel album, un album et un EP cette année. Les deux sont très très bien. Le premier album cet été et l'EP en octobre. Le EP s'appelle Night Shift et en est tiré ce morceau Pendulum. Il y a une belle reprise de Spooky également sur ce EP. Je vous conseille vraiment. Il s'appelle Triptides et ça fait figure et ça figure parmi mes meilleurs souvenirs de l'année 2025. J'accélère un peu parce que ce soir dans le best-of j'ai plein de choses à vous faire écouter et il nous reste que 19 petites minutes. Alors voilà, on va revenir vers un Français qui chante en anglais. Il est bordelais, il s'appelle Arthur Satan et il a sorti un album, un double album cette année, Journey That Never Was. Merci beaucoup à Blutch pour m'avoir fait découvrir ceci. On va se passer un extrait le plus enjoué peut-être de cet album, mais tout est vraiment très très bien. Si vous aimez le rock 60s, influence Beatles, Kings, parfois un petit peu T-Rex, il le fait mais sans singer et c'est vraiment vraiment très bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne sur scène, peut-être un jour par chez nous. En tout cas, voici le morceau Lovely Susie et ce double album dans son intégralité figure parmi mes meilleurs souvenirs de 2025. Thank you. Découvert pas plus tard que la semaine dernière, et il figure dans mes morceaux les plus jouissifs de l'année 2025. Ça ressemble vraiment aux Beatles, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup. C'était The Millions, et il y a les Triptides qu'on s'est diffusé tout à l'heure avec Pendulum, qui participe également à ce morceau qui s'appelle From the Vine. Et juste avant, c'était Arthur Satan avec son Lovely Susie. Voilà un morceau qui est tiré d'un très très bel album aussi, plutôt West Coast, qui est sorti cette année avec un chanteur qui s'est lancé en solo, et il a bien eu raison, Corey Hanson, avec I Love People. C'est le nom du morceau, c'est le nom de l'album. Et je crois que David Feckham n'a pas été insensible à cet album, lui non plus. Ça figure parmi mes bons souvenirs de l'année 2025 dans ce best-of de l'année. Et on écoute ça maintenant. Well, I love people who work in the dark. Encore un bel album qui est sorti en 2025. Je squeeze un peu la fin en parlant dessus parce que l'heure avance. C'était l'album d'Anna Cohen avec Dragging, morceau assez irrésistible. L'album s'appelle Ear Star Mountain. Et puis juste avant, c'était Corinson avec I Love People. Je vous conseille vraiment cet album d'Anna Cohen. On va se diffuser maintenant un morceau d'Augusta qui était venu dans On The Rocks, enfin en tout cas qui m'avait joué des morceaux lors de Pop-Up et avec une petite interview. Elle vient de sortir un single qui s'appelle All Through The Night et c'est le morceau She Begs qui figure en deuxième position, qui pour moi a retenu mon attention pour cette fin d'année 2025. Et puis juste après quand même un petit Bruce Springsteen si on a le temps, puisqu'il a quand même sorti deux coffrets et donc ça fait on va dire une dizaine d'albums inédits qui sont sortis cette année pour Bruce Springsteen avec cette version de My Hometown où je ne l'ai jamais entendu chanter comme ça. Voilà, il y a encore plein de choses que j'aurais pu vous diffuser pour cette année 2025, mais rendez-vous en 2026. L'émission fait une pause, elle reprendra le 5 janvier avec les oubliés de 2025 et puis le 12 janvier il y aura une battle avec Sylvain Trémaux sur le thème rock et facho, il y a de quoi faire. Le 19 janvier ce sera un quiz, une nouvelle session de quiz et puis le 26 Mathieu Dufaux de l'Astrolabe, 26 janvier, sera l'invité dans les studios pour nous parler de la programmation à venir. Je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année et je vous retrouve le 5 janvier prochain. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont écouté pendant toute cette année 2025 et un spécial bisou pour Katou et pour Duduche qui ont été assez fidèles sur toutes les émissions. Et il faut que j'enseigne l'autre morceau et l'autre morceau c'est Augusta avec She Begs. Like a horse, you can't force me. a fist to the air, a pat on the back. Hang up the mirror so I stand tall to reach her, to reach, but quit talking about the shower, the pot, it'll cold. Me up, and I crawl out of bed, tell her.